reste des nightmares. Y'en a pas deux, je vais dans la bulle. Moi, je suis bien dans ma bulle comme Night Air. Avec toi, mec, je n'ai pas de peine, je n'ai pas de ciel. Je me tape des yeux comme si j'étais dans ma campagne. Quand c'est la vibe, t'auras jamais la même. La vie est un combat, mec, comme un tenen man. Alors laisse béton si t'as pas de dièse, si t'as pas de peste. Sans trop de la pub, en béton, campagne et tout United. Que tu sois de Panama ou de Marseille, pas de la lane et de Harlem, de Starac et de Starlet. Arrête toutes tes salades et la la la. Alors que tu rêves de Bossy, de Gala, de Nipa, de Marlène. Sache que tu veux pas test, que tu peux pas taire. Écoute la pizza, plus Paname, tu m'irais, n'écoute pas dans ta tête. Écoute à la vie, ici le rap de goûte à la vie. Je m'en bats les couilles de la vie des gens, c'est que les coups pas qui t'atteignent. Vie, c'est la folie, bombarde dans un bolide. Veux le monde comme Tony, péter le score comme Kobe. Hobby, c'est les gros bifs, on t'a un gros bif. Fais les choses propres, s'investis, fais du profit. Frère, je prends ça pute de loi parce que je suis coupable ton fils. Pèse tout ce qu'elle arrive, fais jamais confiance aux schmides. L'égalité, c'est une utopie. Mets la tête comme Zinedine ou pas si poli. Je cherche une combi. Cherche les affaires comme les conflits. Frère derrière un autre comme poli avec Rocky. Y'a quoi un gros speech? En quête de power comme Austin. Je t'obstine, je t'attendais les bras, tu t'es blotti. C'est le gars, c'est l'oncle ça, on braque le monde sans postiche. Bon pitch, rallye sud, tu peux pas fuir, tout sort pitch. Aucune peur, aucune phobie, j'ai rien à craindre d'eux. Moi je crains Dieu, frère, garde la tête haute dans la fosse aux sorties. Je cultive l'unicité comme chicken jack ou colis. Cogite dans des ordres, tant de l'robe logique. Bête de jeu, jambes, t'as pas son ironie. Gros flic, gros speech, je vais chercher mon gros bif. Bahamas, yeah. Rochodel, on est Al, bra, okay. Ta gueule, ta gueule. Ok, mec, tu veux kiffer mon son, commence pas à te brûler la gueule. T'arriveras peut-être à me comprendre, petit, j'ai le flow des articles. Des balles dans la gorge, quand je rappe, c'est pour les gars de ma rue. Nouvelle ennemie de Georges, sous ça va qui taffe nos instrus. Pédé mes 16, plus c'est 4, le sky et le sum. Toujours pété, j'ai un plastique et les bacs, j'ai fourré la sincère. Dans la sauce qui pose avec 3 grammes dans chaque bras. Faut que tu te pute, mon frère, on est pas là pour être sympa. Si vous voulez, je monocyte, ça sera plus moi. Même ta meuf se touche quand elle écoute ton son dans son plumard. Et puis de casser les couilles à sauce quand elle est sous-tite. Je laisse percer par les douilles et les putes finissent toutes soumises. Du LOS au 26, tu dois être criminel. Rien à foutre de la justice, mon avenir se lit dans une bouteille. Tu sais que je suis là, même si tu me vois pas. Mon équipe arrache le trottoir et vient pour violer les ports. Aïe. Si. Arsenitz. Nightmare. Ah, ah. Tu passes ta vie à faire le bad boy, mais t'auras pas de gosse. Si je dis le bad boy à ta mort, tu seras un sac d'os. C'est atroce, on ne vit qu'une fois. Dans toute ta bouche, à tort et à travers pour faire le you voir. Misérable, ça rime à rien. Tu fais même pas de lobby, t'es mauvais, ne fais pas le malin. À t'entendre, on croirait que t'es un mercenaire. Mais personne aime qu'on peut rafler du French cancan. Moi je reste le même et de temps en temps je me lâche, pas moyen qu'on m'apprivoise. Je suis trop tenace, je supporte ceux qui obéissent. J'ai la dalle comme Obélix, je dois faire du pif dans le pays que tu me bénisses. Sors les blinis et le tarama, tes remarques, tu te les gardes, ton ça, tu vas être puni. Demande à Mirka, on paiera pour mes autistes. T'approches pas trop, tu vas te cogner contre mon chip.